Leçon 5. Prononciation. Exercice 58. Prononcez à la française les mots étrangers. Corner. Ciao. Vendetta. Farniente. Ossobuco. Weekend. Paella. Hamburger.